musique. Toi, musique. Ton ami veut de la musique. Branche ma guitare. Branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Vous appuyez et plaf. Quelqu'un de tout à fond, je vous fais chier à casser vos merdes. Tu crois que ça va aller. Tout à fond, le rock, c'est tout à fond. Cool, tu vas te coller un ulcère avec ton agressivité. Bienvenue à toutes et tous dans les Générations Rock, une émission de Radio Fadjet qui vous propose une traversée de l'espace-temps avec des titres publiés entre 1960 et 2010. On est ensemble pendant une heure et pour vous divertir, j'ai préparé une playlist avec entre autres du rock des années 60, 80 et 90, du punk US, du garage rock, de la pop 90, le tout dans un mélange de groupes connus et d'autres moins. On a commencé avec Somebody to Love de Jefferson Airplane, sorti en 67. Le titre est au départ une composition d'un autre groupe de San Francisco, Great Society. San Francisco est à l'époque la base avancée du rock psychédélique et du flower power, ce mouvement hippie de la contre-culture, pensant changer la société en prenant l'amour, la paix, le retour à la nature et autres bons sentiments de bisounours. On traverse l'Atlantique pour retrouver un joyau de la couronne britannique, The Kinks. Après des débuts rock, qui ne connaît pas le riff légendaire de You Really Got Me? Le groupe, sous la houlette de son chanteur-compositeur Ray Davies, prend un virage pop. Ray Davies se révèle comme un grand compositeur, chantant des vignettes aussi tendres que mordantes sur l'homme de la rue et le train-train de la vie quotidienne. En 68, le groupe sort l'album The Kinks Are The Village Green Preservation Society, un bijou de pop rafraîchissante à contre-pied des envolées psychées de l'époque, ce qui lui valut un échec commercial, mais qui en fit avec le temps une œuvre majeure. Album nostalgique d'une Angleterre désuète où il faisait bon vivre. We are the Village Green Preservation Society. God save the old duck, Bonneville and Variety. We are desperate then, appreciation society. God save strawberry jam and all the different varieties. Preserving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Draft Beer Preservation Society. God save Mrs. Moss and good old Mother Riley. We are the Custard Pie Appreciation Consortium. God save the George Cross and all those who are loving them. We are the Sherlock Holmes, English-speaking vernacular. Help save Fu Manchu, Moriarty and Dracula. We are the office block, persecution affinity. God save the little shops, China cups and virginity. We are the skyscraper, condemnation affiliates. God save Tudor houses, anti-table dominions. Serving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Village Green Preservation Society. God save Donald Duck, Bonneville and Variety. We are the Desperate Dam Appreciation Society. God save Strawberry Jam and all the different varieties. We are the Village Green Preservation Society. God save Donald Duck. Now I wanna be your I Wanna Be Your Dog des Stooges sur leur premier album éponyme sorti en 1960. Originaire de Détroit, où l'ambiance est tout autre qu'à San Francisco. En 67, la ville a connu une émeute parmi les plus meurtrières et les plus destructrices de l'histoire des États-Unis. Une scène rock radicale apparaît. Ici, on ne distribue pas des fleurs, on les arrache. Mais contrairement à leurs cousins des MC5, les Stooges ne veulent pas changer la société. Ils veulent juste la pervertir et la bombarder à coups de riffs destructeurs, de rythmiques rudes, de concerts à l'eau où l'outrancier Iggy Pop devient une bête sauvage, se jetant dans le public. Après 3 albums qui intéressent peu de monde, les Stooges débranchent les amplis et il faudra attendre 10 ans plus tard les punks anglais pour les réhabiliter. On passe aux années 80 tout en gardant un parfum de 60s. En effet, en 87, le groupe anglais The Emmets enregistre, lors d'un concert à Paris, un album live très rock intitulé Meet the Beatles, où il ne joue que des chansons du groupe de Liverpool. En extrait, voici leur version de Back in USSR. Vous écoutez les Générations Rock sur Radio Fadjet et c'était The Godfather avec Birth, School, Work, Death sur l'album éponyme sorti en 88. Naissance, école, travail, mort sonnent comme l'épitaphe des classes populaires anglaises durant ces années de politique ultra-libérale de la dame de fer Margaret Thatcher. Toujours fringué de costumes noirs façon Reservoir Dogs, The Godfather nous sert un rock carré porté par la voix hargneuse de Peter Coyne, dans une Angleterre qui vient de se taper des années de pop synthétique, leur musique sans la poudre, la tête toujours haute, prêt pour la baston. 2004, Green Day sort l'album American Idiot, qui se veut un opéra punk rock, drôle d'idée, voire folie des grandeurs après le succès de l'album Dookie. C'est l'histoire d'un anti-héros, quittant sa banlieue pour la ville, pensant y trouver une vie meilleure, mais confronté à la solitude, l'intolérance et la drogue. Il décide de retourner chez lui. Les textes varient entre rébellion et autodestruction. Dans la chanson American Idiot que l'on va écouter, Green Day lance une charge 4 mois avant les élections contre le futur président américain Bush Jr., même s'il ne le cite pas directement dans le texte. Dernièrement, lors de concerts, le chanteur Billy Joe Armstrong a modifié les paroles, histoire de s'en prendre au duo Trump et Musk. Bomb Turks avec Bachelor Heights sur l'album Scare Straight, sorti en 96. Maintenant, on va écouter The Wise Trap avec Black Meth, extrait de leur album à succès Elephant, sorti en 2003. Forte vente, due aussi qu'en ce début de siècle, un revival rock a lieu, avec, pour les plus connus, des groupes comme The Hives, The Strokes, The Kills ou encore Kings of Leon. Originaire de Detroit, le duo puise son inspiration aussi bien dans le blues, le garage rock, le son de Detroit des années 60, voire sur certains titres Led Zeppelin, dont Jack White est un grand fan. Quant à l'esthétique, le groupe a choisi, aussi bien pour ses tenues vestimentaires que pour les pochettes d'albums, de s'appuyer uniquement sur trois couleurs, le rouge, le noir et le blanc. Quant à Elephant, il fut enregistré en 15 jours à Londres. Now Van Bondies avec l'excellent Common Common sur leur deuxième album Pawn Shop Earth sorti en 2004. Eux aussi sont de Détroit et c'est même Jack White qui produira leur premier album et les emmènera en tournée en première partie des White Stripes. Mais la relation entre White et le chanteur des Van Bondies va partir en sucette quand ce dernier critique au final la production de l'album. Rajoutez à ça une histoire de cul et le tout se finit en une sérieuse bagarre dans un club de Détroit. Profitant eux aussi du revival rock, le deuxième album des Van Bondies connaîtra un certain succès en Angleterre et aux États-Unis. Le titre Common Common servira de musique de générique à l'excellente série Rescue Me. Vous écoutez les Générations Rock sur Radio Fadjet et on attaque la deuxième partie de l'émission, qui va être plus calme, avec les Irlandais de Weeping Boy, qui en 94 sortent une petite perle avec l'album Earthworm, passé totalement sous les radars à l'époque. Le disque est singulier, méritant qu'on lui consacre les deux oreilles et pour quelque temps. Loin des clichés du rock, Weeping Boy s'est construit un univers sombre, tendu et romantique à l'image de ce titre « The Honeymoon is Over ». Take good game. I wish I could talk the same. I know song is just a game. I'm getting good at cheating. That's how you talk. I actually talk a good game. Won't you teach me the same? I would love to explain all of the showing hand and all about. Oh well, I know, I know, I know, I know it's all. And so, so what? I suppose what to go. I never ever said it was clever. I just like it to let me. Looking for a light right behind you. Talk a good game. I wish I could talk the same. I know song is just a game. I'm getting good at cheesing out of Utah. Remember Utah in the rain and those little red shoes and some kid with the blues. Gets right on your tits. You just grin and bear it. Yeah, I know, I know, I know, I know it's wrong. And so, and so, and so, and so it's got to go. Never ever said it was clever. I just like it in living. I'm looking for a light, light behind the eyes. Barely drops down to heaven. Hello, I did forever. Love, love behind. Said it was clever. I just like getting leather. I'm looking for the light behind your eyes. Barely drops bombs from heaven. Hello, I'd be forever. The love behind you. You Talk des Baby Shambles sur l'album Shooters Nation en 2007, produit par Stephen Street, connu pour son travail avec entre autres The Smiths, New Order ou encore Blur. C'est après la séparation des Libertines que Pete Doherty monte ce groupe et avec ce deuxième album des Baby Shambles, il prouve que la drogue n'a pas totalement détruit son talent pour composer des chansons mélodiques. Écoutons maintenant Arab Strap, duo s'illustrant par l'emploi du style parlé-chanté, enrichi par l'accent écossais de son chanteur. Cette singularité vocale s'accorde avec l'utilisation d'instruments variés, dont les boîtes à rythme et les boucles électroniques, et un jeu minimaliste à la guitare. Les paroles abordent de façon franche et sans complaisance des sujets tels que le sexe et la drogue, tout en étant teintés d'un humour pince-sans-rire. Avec eux, on se retrouve dans un pub de Glasgow, où après plusieurs pintes, ils nous délivrent des tranches de vie, tout en gardant une franche distance avec la réalité. Voici Sérénade, sorti en 2003. Conversation. Don't get me wrong, I've always If they follow you, don't look Autre groupe de Glasgow, Belen Sebastian, avec Like Dylan in the Movie, sur leur deuxième album If You Feelin' Sinister, sorti en 96 sur un label indépendant. Disque à contre-courant de la Britpop en vogue, avec Belle et Sébastien, on est loin des pubs enfumés. Ils nous proposent des balades à la campagne, se coucher dans l'herbe et écouter leur succession de chansons gracieuses, mélancoliques et mélodiques. Pas un hasard si leur premier concert en dehors de leur terre natale a lieu en ouverture des Tindersticks. Même si ces premiers concerts souffrent souvent de maladresse et d'amateurisme, passant de longues minutes à s'accorder ou à échanger leurs instruments entre les chansons. Lui, sur scène, était distant, hautain, voire méprisant avec son audience. Un public qui lui pardonnait tout, vu son statut d'icône rock. Je parle ainsi de Lou Reed, l'ex-Velvet Underground, chanteur d'un New York traversé de fantômes, de junkies, de travestis et de prostituées. On va écouter Satellite of Love, présente sur son deuxième album solo, Transformer, sorti en 73 et produit par David Bowie. La chanson ayant été au départ composée à l'époque du Velvet, qui avait préféré la jeter à la poubelle. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday, with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. Graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Leonard Cohen avec The Partisan en 1969. Alors, c'est une chanson sur le mode de la complainte, c'est-à-dire un récit plaintif chargé de mélancolie. La chanson fait parler un personnage qui, sans joie et sans passion apparente, s'engage dans un combat dont il connaît l'issue certaine, la prison, la douleur, la mort. La chanson fut écrite par des réfugiés français à Londres durant la guerre, à ne pas confondre avec le chant des partisans, bien plus guerrier et revendicatif. Place à un grand monsieur de la musique américaine pour finir cette émission, Johnny Cash, dit l'homme en noir au vu de sa tenue vestimentaire. En 94, Rick Rubin, principalement un producteur de rap et de métal, lui propose d'enregistrer une série d'albums appelée American Recording, composée de nouvelles versions de ses chansons et des reprises de groupes rock. La légende de la country accepte. Au final, il enregistrera 6 albums jusqu'à sa mort en 2023. Le 4e American Recording, nommé The Man Comes Around, fut le sommet de cette anthologie, comprenant des covers entre autres de Sting, Nine Inch Nails, les Beatles et Depeche Mode. Je vous laisse déguster Personal Jesus. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone.